Bonjour. C'est un drapeau solidaire. Douane. Douane. Voilà, je suis douanier. Ok. Et donc, vous êtes dans la rue aujourd'hui ? Je suis dans la rue depuis le 5 décembre, très régulièrement. Okay. Et puis même avant, début d'année, on était aussi dans la rue pour les douaniers l'année dernière, parce qu'on manquait de moyens pour préparer le Brexit, etc. Donc on se bat depuis très très longtemps pour des moyens. Et là, cette retraite, en plus, elle va toucher de plein fouet les douaniers qui sont en uniforme, qui ont des horaires atypiques. Et ils vont être obligés de faire apparemment 27 années de surveillance au lieu de 17 ans actuellement pour avoir une retraite décente. À 10 ans de plus carrément. Ben voilà, c'est le nouveau projet, c'est complètement... Chez nous, ça modifie tout. Alors le ministre, le secrétaire d'État, il a reçu les OS douanes lundi, mais apparemment, il n'y a rien à négocier pratiquement. Donc c'est pour ça que je pense que les douaniers vont entrer de plus en plus dans le mouvement, et je le souhaite. Parce que c'est grave pour tout le monde ce qui se passe. On a des enfants. C'est autant pour notre génération à nous, qui sommes bientôt en retraite, que pour tous ceux qui vont venir derrière. On est vraiment en train de casser complètement un système qui fonctionnait. Et pour des raisons qui sont complètement loufoques au niveau de ce qu'on nous annonce toujours. On fait toujours culpabiliser les gens qui ont travaillé, mais on rétribue de plus en plus le capital et on ne reconnaît plus le travail de chacun. Et là, je pense qu'on est dans un phénomène de société. Et il y en a ras-le-bol de tout ça. Voilà, donc, mais ça touche tout le monde, qu'on soit fonctionnaire ou pas. C'est vraiment le même problème pour tout le monde. Vous êtes aux douanes sur Rouen ou sur Dieppe ou là, ça ? Sur Rouen. Sur Rouen, ouais. D'accord. Parce que oui, Rouen, c'est un port maritime, c'est ça ? Voilà, Rouen, on travaille comme en portuaire et donc on rencontre... Moi, je suis en bureau, mais il y a aussi des collègues qui sont dans les brigades et tout. Tout le monde, en ce moment, souffre dans tous les domaines. Les douaniers comme les autres. Et là, sur l'opération Port-Mort, vous devez sentir l'impact aussi au niveau oui, des douaniers. Au niveau des... Je pense que mes collègues... Bon, moi, je ne suis plus dans au niveau de la vérification directe des déclarations, mais je crois que j'ai entendu qu'il y a beaucoup moins de déclarations en ce moment. Donc, c'est normal. Si on bloque le port, on ne peut plus dédouaner. Donc, Merci beaucoup. Mais de rien. Bonne manif. Merci.